والقلب لما يعيش كل ده عشان Et non, ma magnifique et fabuleuse surpuissante qui dresse dans le ciel des branches affilées endormie dans les voies majestueuses des racines qui plongent dans un terrain fertile imprégnées dans sa chair la mémoire du temps en traversant les siècles sa puissance tranquille a transformé sa vie en un événement Tel l'orage-là, témoin de notre histoire Sous le ciel depuis qu'il a pu affronter Des myriades d'éclairs et des soleils de gloire Auréolant son homme sur fond d'éternité Cherchant l'isolement sous ses épais ombrages Nombreux sont les humains qui ont dû ressentir De vigueur qui à travers les âges N'a pas cessé de croître de s'épanouir Son destin s'accompagne de décennies lointaines Il suivra très loin à l'usure du calme Quand un ciel noir furieux quelquefois se déchaîne Il éprouve je pense un doux amusement